بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب qu'est-ce qui doit être pris en considération pour la définition de usul al-fiqh la définition de usul la définition de fiqh Mais puis il y a deux choses à prendre. C'est quoi les deux choses ? Là, ça c'est la première considération. On prend en considération les deux mots, chaque mot singulier. Deuxième considération, c'est quoi ? L'assemblage. Première considération, c'est chacun des deux mots. Usul, wafiq. Deuxième irtibar. التركيب أصول الفقه واحدة مع معنى هاتين الكلمتين مع بعض طيب السؤال ما هو الفرق بين الفقه وأصول الفقه c'est quoi la différence entre les deux entre ces deux domaines في الفقه la دروس الأحكام التفصيلية on va apprendre les أحكام qui sont dans l'exemple de la salade, comment tu fais ton recours qui peut te dire les adillah les adillah tafsiliyah et dans le usul al-fiqh on va apprendre des qawaid amma qui vont te permettre de comprendre le hukm de ces adillah est-ce que c'est wajib, est-ce que c'est makruh naam et une personne qui ne connaît pas les bases de cette science ne sera pas en mesure de faire des fatawa de faire de l'ijtihad et de pouvoir bien comprendre les textes sans passer par ce domaine tu lui mettras des hadiths ou quoi s'il veut parler il va à un moment ou un autre tomber dans l'erreur flagrante et parler avec ignorance donc ça c'est une science qu'il est impératif de connaître ces règles, du moins les bases de cette science principalement. Naam. Donc la dernière fois, on avait pris la muqaddima kanat ta'alaq bi ta'rif usul al-fiqh wa al-yawm sanadkhul fi al-bab al-thani wa huwa al-ahkam. On rentre dans les ahkam. Wa al-ahkam qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala jam'u hukm wa huwa lughatan al-qadha. C'est le pluriel de hukm qui veut dire littéralement parlant, le jugement. واستلاحاً مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. Et dans la terminologie de cette science, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce qu'implique le, on va dire, discours tenu par la législation par rapport aux actes des mukallafin. Qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Qu'est-ce qu'on leur laisse comme choix ? Et quels signes ont été donnés pour savoir, on va dire, le hal de leurs actes, comme cela va venir, le wadr, ça va arriver, Inch'Allah. Traduire, c'est pas comme. Avec un seul mot, on ne pourra pas, il faut traduire les faits en soi. Donc, c'est-à-dire que là, c'est pour savoir quel jugement appliquer sur l'acte accompli par le mukallaf. Le mukallaf, c'est qui ? C'est l'insan. Et ça comprend ins, ça comprend le djinn, les djinns et les hommes, qui à la base est baalir et qui aqil. Celui qui regroupe ces deux sifats-là, quand même, il est mukallaf. Après, tu as des exceptions dans certains cas, mais là-bas c'est ça. Et que le mukallaf, c'est l'homme et la femme également en dedans. طيب ثم قال فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة donc c'est quoi خطاب الشرع c'est-à-dire le discours tenu par la législation c'est le livre et la sunna والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما يتعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إجادا أم تركا donc qu'est-ce qu'on veut dire par les choses qui sont liées aux actes des mukallafin c'est-à-dire ce qui est lié à leurs actes qu'il s'agisse de paroles qu'il s'agisse de faits, de gestes, des choses qu'ils font ou des choses qu'ils délaissent. Même ce qu'ils accomplissent comme acte ou ce qu'ils ont délaissé comme acte. Ça rentre dedans. Il y a des choses que tu dois délaisser. Donc tu auras un jugement par rapport à ce délaissement. Est-ce qu'il est obligatoire, est-ce qu'il est mustahab, est-ce qu'il est illicite, et kaza, et kaza, et kaza. فَخَرَجَ بِهِ مَا تَعَلَّقَ بِالْإِعْتِقَادِ فَلَا يُسَمَّ حُكْمًا بِهَذَا الْإِصْطِلَاحِ. Et là, ça exclut toute chose qui est liée à la croyance, car ce n'est pas appelé hukm dans cette terminologie. Celle du usul. Là, on parle des actes, des faits. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِنَا الْمُكَلَّفِينَ مَا مِنْ جَأْنِهِمْ اَتَكْلِفَ يَشْمَلْ السَّغِيرُ وَالْمَجْنُونَ. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le mukallafin ? Toute personne qui est concernée par le taklif, c'est-à-dire sur qui la charge de la religion s'impose. Et cela peut également englober le petit et le fou. Car on avait dit quoi tout à l'heure ? Le baalir. Donc le baalir, c'est ce que quoi à la base ? Le petit. Et des choses que le petit, il est touché par le taklif. Comme par exemple un petit qui aurait de l'argent. La zakat, il la sort. Son wali doit sortir pour lui. Ou un majnoun, on a dit quoi ? L'aqil. Parmi les choses du taklif, que ce soit aqil. Et le majnoun, des fois, pour faire des choses, il abîme des choses, par exemple, il faut les rembourser, ces choses-là. On ne dit pas, c'est un majnoun, khalas, ma alayshi. Non, son wali doit rembourser. Même ce majnoun, il a de l'argent, qui a rencontré les chouroutes de la zakat, il faut le sortir pour lui. Ou al muradu bi qawlina min talab, al amru wa nahi sawa'un ala sabil al ilzam, ou al afdaliya, ou al muradu bi qawlina. Et ce qu'on a voulu dire par talab, c'est-à-dire la demande, l'attente, ce qui concerne l'ordre, l'interdiction. Que ce soit une chose qui soit imposée ou une chose qui soit meilleure. Comme ça va venir, comme le mustahab. Et ils aiment une chose qui est imposée, tu es obligé de le faire, ou tu dois délaisser obligatoirement. Et d'autres choses, c'est mieux que tu le fasses ou mieux que tu ne la fasses pas. Wal muradu bi qawlina aw takhyir ay al mubah. Et notre parole, lorsqu'on a cité le tahir, c'est-à-dire le fait d'avoir le choix, ça se concerne le moubah, le permis. Une chose permise. Tu as le choix. Est-ce que tu l'as fait ou est-ce que tu ne l'as fait pas ? Ce choix te revient à toi. Wal muradu bi qawlina aw wad'un as-sahih wal fasid wa nahwuhuma mimma wad'a ash-shari' min alamat aw awsaf lin-nufuz aw awwal al-ighra wa al-ilgha. Donc tu veux dire quoi par le wad'? C'est les choses, les signes qui t'amènent à te démontrer, les signes donnés par la législation qui te démontrent ton acte, est-ce qu'il est valide ou pas ? Est-ce qu'il est effectif ou pas ? Il y a des signes qui te montrent cela. Ça va arriver, Inch'Allah, à la fin de l'Ahkam al-Wad'iyya. Aqsam al-Ahkam al-Shar'iyya. Maintenant, les catégories de différents jugements légiférés de la législation. Parce que les ahkam sont de deux catégories. Tu as les ahkam shar'iyya, qu'on va prendre maintenant, et après, ahkam al-wad'iyya, c'est comme cité maintenant là, le wad'a. Les alamat qui sont liés à l'acte, est-ce qu'il est accepté ou pas. Là, il parle maintenant des ahkam shar'iyya. Al-taklifiyya, khamsatun. Al-wajib, wal-mandoub, wal-muharram, wal-makruh, wal-mubah. Elles sont de cinq. L'obligation, la recommandation, l'interdit, le détestable, et le recommandé. Le permis, afin. Et le permis. Là, il y a des ulama qui ont fait des ta'liqat sur ces aqsam. On ne va pas rajouter. Des choses qu'on pourrait dire, détaillées ou quoi, on ne va pas rajouter. D'accord ? On ne va pas rajouter. On reste sur la base du livre. Awalan al-wajib. Le premier, c'est le wajib. Fal-wajib ul-ghatan al-saqit wal-lazim. Et pareil, les termes linguistiques, des fois, on ne peut pas trop les traduire en français. Il n'y a pas de sens, c'est pareil. Mais quand on dit saqit, saqit, c'est des choses qui tombent. واستلاحا ما امر به الشارع على وجه الالزام كالصلوات الخمس. Et dans la terminologie, c'est quoi le wajib dans cette science? C'est ce que la législation t'a imposé de faire. Tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Comme par exemple les 5 salawat. D'accord? Une chose que tu es obligé de faire, tu es contraint de faire, tu n'as pas le choix. Donc il dit cela exclut quoi? Ça exclut ما مر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. Comme cela va venir. وخرج بقولنا على وجه الالزام المندوب. Et lorsqu'on a dit une chose par laquelle tu es contraint, ça exclut quoi comme parole, comme catégorie plutôt, le mustahab. Parce que le mustahab, tu n'es pas contraint. Tu as été ordonné de le faire, mais tu n'es pas contraint. Si tu veux, tu peux ne pas le faire. والواجب من حيث الثمر. Ça c'est une définition par rapport à au fruit qui en tiré. C'est wal wajib yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqu al'iqab tarikuhu. C'est quoi le wajib également? Il est décrit comme étant l'acte dont celui qui l'accomplit est récompensé s'il accomplit par observation de l'ordre, avec une niya d'obéissance, et que celui qui le délaisse mérite, tu sais quoi, une mauvaise attribution, quoi. D'accord? Mais on dit mérite, pourquoi? Parce qu'il se peut que Allah lui pardonne. Mais à la base, il est sous la menace. Donc celui qui commet, qui accomplit un acte wajib, avec l'intention d'observer l'ordre qui lui a été, qui lui a été imposé, il en est récompensé par sa niya. Les gens, ils font des choses qui sont ordonnées par la législation, comme ça d'eux-mêmes, sans niya. Ils n'ont pas de récompense. D'accord? Ils n'ont pas de récompense. Là, c'est quelqu'un qui le fait avec la niya d'observer l'ordre. Et celui qui le délaisse est sous la menace. Ça, c'est le wajib. Tu es récompensé si tu le fais, et tu mérites une mauvaise attribution si tu le délaisses. وَيُسَمَّ أَيْضًا فَرْضًا وَفَرِيضًا وَحَتَمًا وَلَازِمًا. Là, c'est parmi ces noms. Fard, Farida, Hatam, Walazim. Tous des mouradifs du sens de wajib. Les gens, ils ont voulu différencier entre le Fard et le wajib, et il apparaît qu'il n'y a pas de différence vraiment. Mais certains dans des mazahib voient une différence. Ça, c'était le wajib. Thumma al-mandoub. Le mandoub, que nous, on connaît comme étant le recommandé. Al-mandoub l'oraten al-mad'ou. Mad'ou, c'est celui qu'on appelle. Wastilahan ma amara bi al-shari' la ala wajh al-ilzam kal rawatib. Donc là, istilahan, c'est quoi? Ce que la législation a imposé, ou plutôt ordonné de faire, sans t'y contraindre. Sans pour autant t'y contraindre. Comme par exemple, les rawatib, les salawat qu'on fait en plus avant ou après chaque salat wajiba, maktouba. Donc on te dit de les faire, mais cela n'était pas imposé. D'accord? C'est ça, mustahab. فَخَرَجَ بِكَوْلِنَا مَا أَمَرَ بِي الشَّارِعَ الْمُحَرَّمُ وَالْمَكْرُوُ وَالْمُبَاحِ. Donc ce que la législation a ordonné, ça exclut quoi? Le muharram, le makrou détestable, et le mubah, le permis. Eux, ils n'ont pas été... C'est pas juste qu'on t'a ordonné de faire. وَخَرَجَ بِكَوْلِنَا لَا عَلَى وَجِ الْإِلْزَمِ الْوَاجِبِ. Et par notre parole, que cela n'était pas imposé, ça exclut quoi? Le wajib, qui lui était imposé. وَالْمَنْدُوبِ يُثَابُ فَعِلُوا مِتِثَالًا وَلَا يُعَاقَبْ تَارِكُ. Donc le mandoub, c'est quoi? Celui qui l'accomplit par observance de l'ordre, il en est récompensé. Celui qui les délaisse n'a rien. S'il veut, ne le fait pas. C'est la différence qui est entre ça et le wajib. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu le fais, tu es récompensé. Si tu le fais avec une bonne niya. وَيُسَمَّ سُنَّةً وَمَسْنُونًا وَمُسْتَحَبًّا وَنَفَلًا. Donc, jamais tu entends qu'un acte, on dit c'est une sunnah, c'est... Ça peut être autre chose également. Mais souvent, c'est appliqué pour le mandoub. On l'appelle masnoun. On l'appelle mustahab. C'est ce qui est le plus fréquent. On l'appelle nafal. Comme on dit nafila, salat nafila, c'est quoi? Surrogatoire, comme on dit en français. Et là, une faïda que Shir Abdul Wahab al-Shamiri a rapporté dans son charh de ce livre, qu'il a appris de l'Usul de Abdul Wahab, Khalab, je crois, il dit quoi? Que le mandoub lui-même est de trois catégories. Le mandoub qu'on appelle sunna mu'akkada. La sunna mu'akkada, c'est-à-dire c'est une sunna qui est affirmée. Elle est sûre, certifiée, fortement recommandée. Ou sunna huda, c'est celle sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perduré, il l'a toujours fait, en toute situation, en voyage ou en résident, ou en zalika. Fortement recommandé, c'est le sens. Fortement recommandé. Non. Et c'est quoi son hukm? C'est que celui qui ne l'a fait pas n'est pas châtié, n'est pas sous une menace, mais il est blâmable. On peut le blâmer d'avoir délaissé ses sunnan. Et c'est quoi la preuve que tu peux blâmer quelqu'un qui lâche une sunna qui est mu'akkada? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a Abdullah ibn Omar, la takun misle fulen, kana yakum al-layl, fataraka. Oh Abdullah, ne sois pas comme un tel. Il faisait qu'il y a al-layl, après il a arrêté. Et lorsqu'il est rentré chez Ali et Fatima, radiallahu anhum, un soir, il s'est trouvé en train de dormir, il leur a dit, est-ce que vous ne faites pas qu'il y a al-layl? Et il a dit, Ali a répondu que Allah a qadar sunu qu'on ne se réveille pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a frappé sur ses cuisses en disant وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Et à la base, ce verset descendu sur les kuffars. Il est appliqué par rapport à la parole de Ali. C'est-à-dire que cependant, l'être humain est vraiment querelleur. C'est-à-dire il répond. Et le fait, justement, ce fait-là, par rapport à ce verset, est une preuve d'une autre règle, que le verset est pris dans le sens général des termes et non pas la raison pour laquelle il est descendu. Car à la base, ce verset est descendu pour les kuffars. Il est utilisé pour qui ? Pour Ali. Donc des fois, quand tu prends des versets sur les kuffars pour autre d'un musulman ou des munafiqines, ils disent « Ouais, tu m'as kaffar, tu m'as rendu mécréant. » Je fais « Non, t'as rien compris. C'est pas ça. » Le verset là, dedans, il y a une illa, une sagesse qui concerne tes faits là actuellement. Non. Après, il dit, donc ça c'est la première, c'est As-Sunnah al-Mu'akkada. Deuxième, celui qu'on appelle As-Sunnah al-Za'ida, ou al-Nafila. C'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas toujours fait. Il se peut qu'il l'ait fait une fois, il se peut qu'il l'ait fait deux fois, ou autre. Ce n'est pas une chose pour laquelle il était connu de faire tout le temps. Et c'est quoi son hukm ? Que celui qui la délaisse n'a rien sur lui et ni n'est blâmé pour cela. Il n'y a rien. S'il l'a fait, tant mieux. S'il ne l'a fait pas, ma vie, j'ai. As-Sunnah al-Za'ida, ou al-Nafila. La troisième, c'est le mandoub, al-Mustama bi-Sunnah al-Jibliya. C'est la Sunnah qui est basée sur quoi ? Sur les coutumes et sur l'instinct naturel. Comme par exemple ce que faisaient les Arabes avant la Bi'atha, avant que le Nabi sallam ne vienne. Comme vêtements qu'il mettait, comme le qamis par exemple. Le Nabi sallam, il a mis le qamis aussi. La différence, c'est qu'il lui le mettait nifsak, à mi-mollet, alors qu'il le faisait traîner. Ou la barbe. Les Arabes étaient déjà barbus aussi avant qu'ils ne viennent. Quand même, sauf que lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il taillait la moustache. Ou l'imama. Les Arabes portaient l'imama avant que le Nabi sallam ne vienne. Et après, c'est devenu une sunna qui rentre dans cette catégorie-là. Ou la façon de se coiffer. Kazalik, pousser les cheveux un peu longs. C'est pas une sunna en soi. Qui rentre dans la mu'akkada. Ou faire une raie au milieu de la tête en se coiffant. Ou raie les alika. C'est ça. Ça, c'est les coutumes en fait. C'est lié aux coutumes des Arabes auparavant. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a continué dessus. Porter le kamis, porter le izar, tout ça c'est rentre dedans. Et c'est quoi ce hukm ? Que celui qui ne l'a fait pas n'est pas blâmé, quand même, et ni n'a de mauvaise attribution. Demain, quelqu'un ne porte pas un kamis, mais il porte un vêtement qui est, islamiquement parlant, accepté, il a récompensé. Hein ? Il a récompensé. Si, là, on parle de celui qui le délaisse. Ouais. Maintenant, il a dit ces trois catégories de sunan. Iqtida'an bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il veut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela, il sera récompensé dans les trois catégories. Tayyib nouasil. Donc là, on vient de prendre le mandoub, le mustahab. Ba'da hada, al-muharram. Al-muharram, l'oraten, al-mamnour, l'illicite. Et l'oraten, c'est mamnour, c'est l'interdit. Et le masjid al-haram, il a été appelé masjid al-haram, pourquoi ? Car il se trouve des choses qui sont interdites de faire. واستلاحاً ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. Donc c'est une chose que la religion, le char, t'a imposé de délaisser. Obligatoirement, tu dois délaisser cela. Comme quoi, مثلاً, l'ingratitude envers les parents. Tu dois délaisser cela. Ou boire de l'alcool. Tu dois délaisser cela. Regarde les alikas. Ou zina. Tu dois délaisser cela. Obligatoirement. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. Donc dans notre parole, en disant ce que la législation a interdit, c'est exclu quoi ? Le wajib qui lui a été rendu obligatoire, le mandoub et le mubah qui lui était permis. وخرج بقولنا على وجه الالزام بالترك المكروه. Et par notre parole que cela a été imposé de délaisser, c'est obligatoire de délaisser, qu'est-ce qu'on exclut par cela ? Le makruh. Comme cela va venir qui lui est on t'a ordonné de délaisser, mais ce n'est pas obligatoire. Ça va venir. والمحرم يثاب تاركه بامتثالا ويستحق العقاب فاعله. المحرم, celui qui le délaisse par observance de l'interdiction, il est récompensé. Et celui qui l'enfreint et qui le commet mérite une mauvaise attribution. Quand même, il mérite une mauvaise attribution. ويسمى معذورا وممنوعا. On peut l'appeler معذور. Avec un va ou mamnour. Tu verras souvent dans les lieux publics, مثلا mamnour kaza, mamnour kaza, mamnour dukhan, interdit de fumer, mamnour kaza, interdiction de telle et telle chose. Thumma al-makruh. C'est le quatrième, je crois. Ouais, quatrième, al-makruh, ce qu'on appelle le détestable. Ou al-makruh, l'oratène, al-mubrad. C'est une chose que, abrada yubridu, c'est détester une chose à la base. Là, c'est l'isme maf'oul. واستلاحاً ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كأخذ بالشمال والإعطاء بها. Donc استلاحاً, c'est quoi? Ce que la législation a interdit sans pour autant t'y avoir contraint. Une chose que tu dois délaisser, mais tu n'es pas contraint de cela. Comme par exemple le fait de prendre par la gauche ou de donner par la gauche. Et ça, c'est le coup du Jumhur. Certains voient que c'est haram. On va donner un autre exemple, le fait de boire debout. La salade, boire debout. ثم قال والمكروه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. Et le makruh, celui qui le fait, du moins qui le délaisse, ce qui est makruh, si le délaisse par observance, il est récompensé. Si jamais il le fait, il n'a rien sur lui. Et là, une fa'ida, c'est que le makruh, dans le urf de Mutaakhirin, chez les anciens, c'était souvent utilisé dans le sens de haram. Donc quand tu vois les salafs dire hada makruh, c'est pas comme le makruh des Mutaakhirin, des contemporains, ceux d'après eux. Et que Allah, on a excité la fa'ida déjà, dans Kitab Tawhid. Et que la preuve, c'est que le makruh est également employé dans le sens de haram. Dans le Coran, lorsque Allah citait plein de choses interdites, dans Surat Al-Isra, verset 38, à la fin, il dit quoi ? Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Que tout cela est mauvais auprès de ton Seigneur et détestable. Wal-khamis al-mubah. Le mubah, c'est le permis. Le permis. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. معلن, ce qui est annoncé, مأذون فيه, ce qui est permis, qui est autorisé. واستلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلة. C'est ce qui n'est lié ni à un ordre, ni à une interdiction en lui-même. D'accord? C'est une chose qui n'est liée ni à un ordre, ni à une interdiction en lui-même. Pourquoi en lui-même? On va expliquer après. Comme le fait de manger la nuit pendant Ramadan. C'est permis. Chose qui est permise. Avoir des rapports avec le conjugaux la nuit pendant Ramadan, c'est permis. Boire du jus d'orange, c'est permis. Boire du jus de pomme, c'est permis. Après, comme on va le voir, ça peut prendre un jugement différent. En fonction de le cost et la raison pour laquelle tu le fais. فغرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب. Donc exclu par notre parole ce qui n'est pas lié à un ordre, ça exclut quoi? Le wajib, et s'exclut le mandoub qui eux sont liés à un ordre. خرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه. Et exclu par notre parole qui n'est ni lié à une interdiction, c'est exclu le muharram et le makruh. L'interdit et le détestable. وخرج بقولنا لذاته. Et qu'est-ce qui exclut par notre parole en lui-même, c'est si jamais il devient un moyen d'une obligation, cet acte permis devient une obligation. Et s'il devient un moyen qui amène vers un haram, cet acte permis devient un haram. Mais à la base, il est permis en lui-même. Comme par exemple, quelqu'un qui voit voyager pour un pays interdit, pour faire des fawahish. Un exemple, ils vont en Thaïlande. Bon, c'est connu la Thaïlande, le mal qu'il y a là-bas. Il est, je ne sais pas, il est en pays d'islam, comme au Yémen, il dit je vais en Thaïlande. Pourquoi? Il y a des choses que je vais faire là-bas, je ne vais pas faire au Yémen. La base du voyage, c'est que c'est permis un voyage. Mais son voyage à lui, il est interdit. Pourquoi? Parce qu'il va dans un lieu, faire des interdits. On l'avait pris dans le temps de traité. Non, on l'a pris. Également, quelqu'un qui fait un voyage, par exemple, faire le Hajj. Il a les moyens de faire le Hajj, à ce moment-là, c'est l'année qui vient. Il a tout ce qu'il faut. Là, ce voyage lui est obligatoire. Avec à la base, voyager pour aller. Mamlaka, c'est une chose qui est permise. Ça peut être mustahab aussi. Mais là-bas, c'est que c'est permis. Et bien, lui, à ce moment-là, ça devient wajib pour lui de faire ce voyage pour aller faire le hajj. Et son hukm du mubah, قال ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. Donc, le mubah lui-même n'est lié ni a une mauvaise rétribution, ni une récompense. C'est un acte permis, c'est tout. Tu n'en tires ni récompense, ni de mauvaise rétribution. Tant qu'il reste dans son sens de permis. En lui-même. Fahimt? En lui-même. Et yusamma kadhalik halalan wa ja'izan. On appelle halal, on appelle ja'iz, permis. Parmi les autres nominations du Mubah. Donc là, c'était les cinq arkem shal'iyya taklifiyya. Liés au taklif, c'est-à-dire qu'ils sont imposés par rapport au mukallaf, à celui qui accomplit l'acte. Le wajib, l'obligation. Le mandoub, le mustahab, le recommandé. Le muharram, licite, haram, interdit. Le makruh, détestable. Et le mubah, le permis. Naam. Thumma qal, donc là c'était la première catégorie des arkam. Il y a des taklifiyya. Maintenant, on prend les arkam et le wad'iyya. يقول الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء ومنها الصحة والفساد. Donc l'ahkam wad'iyya, à la base, wad'iyya, c'est des choses qui ont été posées pour des raisons. Comme ce qu'on dit, مثلاً, القوانين الوضعية, ce sont les lois instaurées par l'homme, qu'il a mis lui-même. Wad'iyya. Posé par lui-même. Là, maintenant, c'est des arkam wad'iyya qui ont été posés, pourquoi ? Par la législation, comme signe, indication, te montrant que ton acte, mathalen, à ce moment-là, tu peux le faire, ou tu ne peux le faire, ou qu'il est valide, ou qu'il est rejeté. D'accord ? Là, c'est plus lié à l'obligation, est-ce que c'est obligatoire ou pas obligatoire. Là, c'est pour te dire, mathalen, que tel acte, مثلاً من الأحكام الوضعية لزغير دي صلوات سأرون دي الأحكام الوضعية لسولي يتل مومن خلاص سي وقت الظهر سي ان سين كي تمونت كي لا ستار لا لا صلاة سون طون إلي رونتري maintenant tu vas te dire que le signe il est là cette salat était obligatoire d'être accomplie ou quelqu'un fait le ظهر et le temps n'est pas encore rentré c'est Arkham Wad'iyya vont te montrer que quoi, que ta salat, elle ne sera pas valide. Ce n'est pas le temps. On n'est pas encore rentré le temps. Ou que, par exemple, quelqu'un qui a l'argent, la somme, le nisab pour la zakat, ça a fait un an sans sa possession. Qu'est-ce qu'on lui dit ? La zakat est obligatoire à ce moment-là. Ces arkham, elles sont liées avant l'obligation pour te montrer que la zakat, là, c'est le temps de faire la zakat. Tu peux la faire. Tu dois la faire même. T'as fait un an, cette somme a fait un an avec toi et cette somme a atteint le seuil qui était imposable. Là, c'est l'arkam wad'iyya. Après cela, c'est l'arkam wad'iyya amène à quoi ? Ou l'arkam shar'iyya. Si elles sont remplies, on va te dire que maintenant ton acte est obligatoire. Par exemple, قال فالصحيح لغة السليم من المرض. Ce qu'on appelle un صحيح لغة c'est une chose qui est saine, qui n'est pas atteinte de maladie. D'accord, Foulen Malid, lui il est malade, ou Foulen Sahih. On peut dire également Salim. On peut dire Sahih, c'est-à-dire qu'il est, Alhamdulillah, il est sain. Wa istilahan ma tarattabat atharu fi'luhu alayhi ibaratan kana ou aqdan. Donc là, c'est quoi istilahan ? Quand on dit par exemple un acte il est Sahih, c'est pour te montrer que ton acte il est valide. Qu'il s'agisse d'une adoration ou d'un contrat. Dans une mu'amalat avec quelqu'un. On va te dire, par exemple, ta salat est sahiha. Pourquoi tu as rempli les chourous, tu l'as fait comme il fallait. Elle est sahiha. Tel contrat de vente est sahih. Pourquoi que tu as rempli les conditions et tu as évité tous les interdits. Wa sahih min al-ibadat, mathalan, ma buri'at bihi al-dhimma wa sakata bihi al-talab. Donc c'est quoi quand on dit qu'une ibadat est sahiha? C'est lorsque tu t'en es déchargé. Tu n'as plus à la faire et tu as fait ce qui t'a été demandé. D'accord ? Mathalan, tu as fait dhor avec l'ouzo, avec les arken, avec les shurut, les wajibat. Dans son temps, on te dit quoi ? Khalas, vote, tu peux la faire. Tu l'as fait. On te l'a demandé. Elle était obligatoire. Tu l'as fait. Tu t'es déchargé de ton obligation. Ton adoration est sahih. On parle en apparent. Hein. Après, si tu as un khalal dans la niya ou quoi, après, c'est entre toi et Allah. En apparent, on dit que ta salah, elle est sahiha. والصحيح من العقود dans les contrats ما ترتبت آثاره على وجود ترتب الملك الملك على عقد البيع مثلا. Je sais pas si j'ai bien lu. Maintenant dans un contrat, c'est quoi un contrat qui est sahih? C'est ce qui te permet de pouvoir مثلا posséder la chose après que tu l'aies achetée ou que tu l'aies vendue pour l'acheter. C'est-à-dire qu'il t'est permis de te comporter avec ces choses-là de façon légiférée. Ou elle t'appartient à toi, ou tu l'as vendue à quelqu'un, elle ne t'appartient plus. Ou par exemple, une femme, tu t'es marié avec elle, il t'est permis de faire des choses qui à la base sont interdites avec une femme étrangère. Le aqd, il est sahih, c'est-à-dire que la femme, tu peux la regarder, être seule avec elle, la toucher, avoir des rapports conjugaux dans le halal, dans ce qui était permis. Fahimt? Hadha. Et quand c'est pas sahih, tu ne peux pas faire tout cela avec elle. Elle reste une étrangère pour toi. ولا يكون شيء صحيحا الا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. Une chose ne peut être valide si ce n'est qu'après que toutes les conditions soient remplies et que ces empêchements, voyez, ces empêchements soient absents. Car tu as des choses qui empêchent que l'action soit remplie et des choses, des conditions sont requises pour que l'action soit valide. Donc tu as rempli le tout, l'action ou l'acte, l'ibada ou le aqd que tu auras fait, le contrat sera effectif. قال مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. Un exemple, مثلا, une chose, une condition perdue, non remplie dans l'ibada, qui fasse salat sans tahara, il n'a pas l'eau. Sans salat, à ce moment, qu'est-ce que sera son hukm? Muharrama. Elle sera interdite pour lui. Et c'est quoi le hukm wad'i? Il n'a pas la tahara. Et le hukm shal'i, elle sera muharrama. Ou dans les contrats de vente, qui vendent une chose qu'ils ne possèdent pas. Donc tant qu'il ne l'a pas possédé, ça rentre dans quoi? Dans les alamat, dans les ahkam wad'iyya. Tu ne possèdes pas la chose. Et min haythu al-ahkam shar'iyya, cette vente sera interdite. Pourquoi? Car cette chose-là ne t'appartient pas, tu ne peux pas la vendre. Après, il dit, wa mithal wujud al-ma'ni' fi al-ibada, un empêchement dans l'ibada, an yatatawwa bi-nafl mutlaqin fi waqt an-nahy. Une chose qui empêche de faire une ibada, c'est quoi l'empêchement par exemple? Qu'il fasse une adoration surrogatoire, on va dire sans cause, à un moment d'interdiction. Par exemple, il vient avant le Maghreb, il dit j'ai envie de faire la kataïne, comme ça de moi-même. Il n'a pas le droit. C'est un temps qui est interdit. Ce qu'on appelle un nafl mutlaq, c'est-à-dire c'est un acte surrogatoire qui n'a pas de raison. Maintenant, quand on a certaines, elles ont une raison. Celles-ci sont permises. Par exemple, il fait tahiyat al-masjid. Il est entre le masjid, entre le Asr et le Maghreb. Et il veut s'asseoir dans le masjid. Là, il est obligatoire de faire deux rakat à ce moment-là. Fahimt? S'il veut s'asseoir. Ou par exemple, il veut faire istikhara. Il a une chose à faire après le Maghreb. Une décision à donner. Il fait istikhara avant le Maghreb. Il a le droit. Pourquoi? C'est une zat, ça s'appelle zat sabab. Elle est un sabab. C'est pas mutlaq. C'est pas une adoration comme ça de lui-même et j'ai envie de faire deux rakat comme ça. Là, cette adoration qu'il va faire à ce moment-là, elle a une cause. Donc celle-ci, même dans les temps interdits, elles sont permises. Elles sont permises. Et il dit un exemple d'une chose qui est interdite de faire, un empêchement dans un acte de vente. An yabi' ma tulzimuhu al-jum'a shay'a. Ba'd nida'iha thani ala wajh la yubah. Il a dit par exemple, quelqu'un qui veut vendre une chose, après, comme le chien lui, c'est son avis à lui, bon, après le deuxième azan du vendredi, tu vas faire une vente à ce moment-là. Alors moi, à ce moment-là, c'est interdit de faire des ventes. T'as même? Eh bien, là, t'as l'empêchement. C'est quoi? C'est que là, t'as un temps où la vente ne sera pas permise. Donc là, t'as l'empêchement. C'est quoi? Il y a l'azan du Jumu'ah qui a été fait, khalas, plus de vente, c'est fini. Naam. Même s'il vend une chose qui est permise. Je sais pas, il rentre avant le masjid, il y a déjà eu l'Iqama. Pas l'Iqama, il n'y a pas l'Iqama. L'Azan, le Khatib et la Khutba, il vient, il achète un siwak à l'entrée du masjid. Il n'a pas le droit à ce moment-là. Donc ça, c'est le sahih. C'est ma kala. Ou le fa'asid, on va dire ce qui est invalide, le contraire. Le ratan, al-zahib, diya'an, wa khasra. Nous, on traduira ça par une chose qui est invalide, qui a été faite. tu l'as faite, mais pour rien. Tu l'as faite, mais pour rien, cette chose-là. Elle n'est pas acceptée. وَاسْتِلَاحًا مَرَا تَتَرَطَّبْ أَثَرْ فِعْلُهُ عَلَيْهِ عِبَرَةً كَانَ أَوْ عَقْدًا. Ce dont il n'a pas de suite après qu'il l'a accompli. Il n'y a pas de suite. Ce n'est pas accepté. Que ce soit une adoration, ou que ce soit un contrat de vente ou autre, dans les mu'amalat entre les gens. فَالْفَاسِدْ مِنَ الْعِبَادَةِ مَلَا تَبَرَّأَ بِهِ الذِّمَّةِ وَلَا يَسْكُتْ بِهِ الطَّلَبْ كَالصَّلَاتِ قَبْلَ وَقْتِهَا. Donc, un facide dans l'ibada, c'est quoi par exemple? Une chose dont il ne s'est pas déchargé et qu'il doit quand même faire encore. Ce n'est pas accepté de lui. Comme par exemple, faire la salat avant son temps. Il fait le vor avant son temps. Il dit, ah, j'ai fait le vor, on dit, t'as pas fait le vor. Ton vor, il est toujours sur toi. Quand le temps il va rentrer, il faut que tu le fasses quand même. Tu t'en es pas déchargé. On attend toujours de lui. Contrairement au sahir. Sahir, khalas, ce qu'il a fait, c'est fini. والفاسد من العقود ما تترتب اثره عليه كبيع المجهول. Une chose qui à la base n'aura pas de suite, elle ne sera pas effective, comme le fait qu'il vende une chose qui est inconnue, qui n'a pas été décrite, qui n'a pas été connue. Cette vente-là, elle n'est pas valide. Et celui qui l'a acheté ne peut s'en servir. La vente, elle n'est pas acceptée. Chalan, c'est-à-dire l'objet ne t'appartient pas. Et toi, l'argent que tu as pris, il n'est pas halal pour toi. La vente, à la base, chalan, n'a pas eu lieu. Même si toi et lui, vous êtes d'accord, chalan, ce n'est pas accepté. Ça ne revient pas à vous, en fait. قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته حزوة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله. Donc il dit quoi? Une chose qui est facile dans les ibadah, dans les ukud et dans les conditions, c'est une chose qui est interdite. Ça sera haram surtout de le faire. Car ça, cela revient à quoi? À outrepasser les limites d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme quelqu'un qui fait une salat, le dhur avant son temps. En le sachant, bien évidemment. Il dit faire dhur maintenant. Il dit c'est haram sur toi. Pourquoi? Car les ahkam wad'iyya ne sont pas encore remplis. Les signes indiquant que le temps il est arrivé ne sont pas encore arrivés. Il dit je le fais quand même. Et bien à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est haram sur lui. Quelqu'un qui vend une chose qui est interdite ou un acte de vente qui n'est pas permis en religion, le fait quand même, ça sera haram sur lui. Il aura pris des péchés. Quelqu'un qui fait un mariage sans remplir les conditions, ce mariage sera haram sur lui. Alors, il se marie avec une femme sans wali, mais kulliya. Ou sans mahar. Il ne donne pas de mahar, il dit il n'y a pas de mahar. Son mariage ne sera pas valide. Et s'il le fait quand même en sachant, ça sera haram sur lui. Il aura pris des péchés pour ça. Après, si tu as la différence entre le baratil et le fa'asid, à la base, ils ont un seul sens, à part dans deux situations, mais on ne va pas les citer là parce que c'est un truc qui demande beaucoup de paroles. Donc, on a pris aujourd'hui les arkam, sont de deux sortes. Taklifiya ou wad'iya. Les taklifiya sont de cinq. Le wajib, le mustahab, le haram, le makrouh et le mubah. C'est-à-dire l'obligation, le recommandé, l'interdit, le détestable et le permis. Et on a pris les ahkam al-wad'iyya. C'est-à-dire qu'ils sont là pour te montrer si un acte, il est valide ou pas. On a pris le sahih, le valide, et le facile, ce qui est pas, ce qui n'est pas accepté. Naam. Fabia d'accord, n'aktafi, ou n'akul, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.